caisse pour les gauleux. Une boule de gomme ou pour une âme. Sache que si les stupes m'interpellent, me perdent de vue comme Bradel. Direction les Caraïbes, les nanas à gogo, des fesses, des lolos. Là où se cultive les tasses en gros, là où on sape en polo. Le test le sait très bien, rinque sous mon nez au soleil. Entouré d'Asiviens, prince dans un bout de merveille. Oscar, passe le scalpa, fais ce geste là, se jette là. Une ruée de nana à qui je donne ça, je peine, reste clean. Time zone ou la zone burning, je frime, joue la fine comme Rayquan dans Ice Cream. Ice Cream, Ice Cream. Si on presse comme Elvis, c'est pour finir sous les liasses. Plus d'audace au mic, j'encrasse pour ne pas tomber merdasse. M6, MC, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. Si on presse comme Elvis, c'est pour finir sous les liasses. Plus d'audace au mic, j'encrasse pour ne pas tomber merdasse. M6, MC, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. Mon rap te plaît, tu kiffes, tu te brôles dessus, donc appelle-moi Marvelous. Famous comme ceux que tu connais ou si t'en as marre de tous. Max de Fa, nègre mielleux, qui rêve de millions. Ce rêve est bien loin, mais pourtant je reste toujours dans ce milieu. J'fuck, moi et les gars de mon écurie, on donne un hip-hop carré. En plus de maille de go de luxe, on me donne les beaux clips. Burning zone ou la zone burning, test à trop timing. Rime féroce qui fait rage au sein de la rue, c'est du rap. Boxing, forcing, pour finir sous les glaces, pas merdasse. Test et Freddy, espère un jour vivre dans un palace. Yo. Burning zone, zone de luxe, un film d'action classique. Sous les mots sexy, sun, dollar gravé sur mon plexus. Si on presse comme Elvis, c'est pour finir sous les liasses. Plus d'audace au mic, j'encrasse pour ne pas tomber merdasse. M6, M6, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. Si on presse comme Elvis, c'est pour finir sous les liasses. Plus d'audace au mic, j'encrasse pour ne pas tomber merdasse. M6, M6, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. J'vais mouiller les nanas, ton tour d'adréna comme la sueur. Mineur ou pas, je baisse les wacks, leur sœur et reste en pudeur. Seul tout, on ira chasser en douce des antilopes. Ici y'a tes gars, maximum de face pour ceux qui savent que mon style a tellement de forme que plus d'un homme se taperait des queues. Nouveau produit exigé, exigeant sont les yoyans, c'est l'autre front danser le yéyé. Comme Carlos Al, bonjour d'Albert. Gros comme Baba, j'opère par Roku et Sifredi. Max de face pour un argot pervers. Mac, je suis que même les tasses me traitent de putois. Après un tour passé chez Wam, le lendemain elle me tutoie. Donc tais-toi car t'as la langue bien pendue. Les meufs comme toi sont trouées, finissent brûlées ou bien pendues. Après les avoir charriées, elle me traite de sale con. Mais rien à foutre mon bas et crache dessus du haut de mon balcon. Si on presse comme Elvis, c'est pour finir sous les liasses. Plus d'audace au mic, j'en crasse pour ne pas tomber merdasse. M6, M6, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. Si on presse comme Elvis, c'est pour finir sous les liasses. Plus d'audace au mic, j'en crasse pour ne pas tomber merdasse. M6, M6, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. M6, M6, I'll be burning hot. Time zone ou la zone burning, le mic on combat. M6, yeah, yeah.